Chapitre 1. Il y a des gens qui n'aiment point les chasseurs. Et peut-être n'ont-ils pas tout à fait tort. Est-ce parce qu'ils ne répugnent pas à ces gentlemen de tuer le gibier de leurs propres mains avant de le manger? Ne serait-ce pas plutôt parce que lesdits chasseurs racontent trop volontiers, à tout propos et hors de propos, leurs prouesses? J'incline vers cette dernière raison. Or, il y a quelque 20 ans, je me suis rendu coupable du premier de ces méfaits. J'ai chassé. Oui, j'ai chassé. Aussi, pour m'en punir, je vais me rendre coupable du second, en vous racontant par le menu mes aventures de chasse. Puis ce récit, sincère et véridique, dégoûté à tout jamais mes semblables de s'en aller à travers champs à la suite d'un chien, le carnier sur le dos, la cartouchière à la ceinture, le fusil sous le bras. Mais j'y compte peu, je le confesse. Enfin, à tout risque, je commence.